sans se consumer. Dans le désert du quotidien, et tu appelles le berger timide par son nom humain. Tu dis, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris monter et le feu de ta présence commence à parler. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui descend. Je suis celui qui suit, présent dans chaque saison. Je suis celui qui délivre et qui brise les prisons. Je suis celui qui suit avant les chaînes et les rois. Et c'est par moi que la liberté entre dans l'histoire. Cette fois, cette fois, Moïse tremble devant l'appel. Il se sent trop faible pour parler, mais tu dis, je serai avec ta bouche, car ta puissance passe par la fragilité. Tu révèles ton nom éternel, un mystère qui traverse les âges, et ton feu ne s'éteint pas. Quand l'homme panique devant sa tâche, je suis celui qui suit, présent dans chaque saison. Je suis celui qui délivre et qui brise les prisons. Je suis celui qui suit avant les chaînes et les rois. Et c'est par moi que la liberté entre dans l'histoire. Ton nom porte la liberté.